Dans leur version définitive, les mémoires de Saint-Simon sont composées de 7260 pages, soit environ 2,5 fois la recherche du temps perdu. Au fil des pages, on croise pas moins de 7850 personnages qui ont existé entre 1691 et 1723. Dans ces mémoires, on trouve à la fois la vie de cour durant la seconde moitié du règne de Louis XIV et la régence du duc d'Orléans, mais aussi des portraits littéraires inégalés et surtout des intrigues, des coulisses, de la dissimulation, du poison, des complots, bref. La cour de Versailles, dans l'œil d'un écrivain dont Stendhal disait qu'il avait la tête étroite mais le style profond. Je vous invite cette semaine à vous infiltrer dans le cabinet noir de l'écriture et d'observer les personnages de la cour royale en train de fomenter le pire sous l'œil du duc de Saint-Simon. Et puisque les portraits ne sont jamais complets du vivant des protagonistes, faisons connaissance en commençant par la fin. 16 janvier 1755. Louis de Saint-Simon, note Georges Poisson, son dernier biographe, a 80 ans. Il a échoué dans ses ambitions personnelles, a vu bafouer tous ses principes. Il survit depuis 12 ans à son seul amour. Il a vu s'éteindre la chair de sa chair en même temps que sa race. Ses terres sont aliénées et ses biens promis aux créanciers. Mais il laisse derrière lui quelque chose à quoi il croit encore et a raison de croire. Un manuscrit contenu dans 12 portefeuilles. Il peut désormais se montrer uniquement occupé de Dieu, de son salut, de son néant. Vous êtes prié d'assister au convoi et enterrement de très haut et très puissant seigneur, Monseigneur Louis-Duc de Saint-Simon, Père de France, Comte de Racé, Grand d'Espagne de la première classe, Chevalier des Ordres du Roi, Gouverneur pour Sa Majesté des Villes, Citadelle et comté de Blaye, Grand Bailli et Gouverneur de Senlis, Capitaine du Pont Sainte-Maxence, Vidame de Chartres, Marquis de Ruffec, Comte de la Ferté-Vidame, Baron des Baronnies d'Aisy, Empuré, Martreuil, Verrières et autres lieux, décédé en son hôtel, rue de Grenelle-Faubourg-Saint-Germain, qui se fera mercredi 5 mars 1755 à 5h du soir en l'église de Saint-Sulpice, sa paroisse. Bonjour Cécile Guilbert. Bonjour Adèle Monneret. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci d'être là pour cette première émission sur Saint-Simon qu'on enterre. Voilà, on commence l'émission et la semaine en l'enterrant, mais c'est intéressant d'entendre la façon qu'a le narrateur, hein, c'est une fiction radiophonique qui date du 5 janvier 1974, de présenter Saint-Simon. En fait, on entend beaucoup de titres de noblesse et puis le récit d'une sorte d'échec. Il a échoué, il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire, mais au moins il a beaucoup de titres. C'est un peu l'image qui est restée dans la postérité de Saint-Simon, non ? Oui, il a échoué. Enfin, il a échoué dans peut-être dans ses ambitions politiques ou de conseiller du prince. Il n'a pas vécu selon une monarchie selon son cœur. Il a été beaucoup déçu, mais bon, il a quand même réussi son coup puisqu'il laisse les mémoires. C'est le plus important. Alors évidemment, les titres, c'est très important parce que ce qu'il faut comprendre et savoir tout de suite, c'est que Saint-Simon ne s'est jamais considéré comme un écrivain. Et que si on l'avait traité d'écrivain ou d'auteur, il aurait ricané et sans doute trouvé ça ridicule. Car son être, son identité, sa passion, c'est son rang. Voilà. Et il est d'autant plus enfurié sur son rang qu'il tient son rang, bon, évidemment, de son père, qui était un favori de Louis XIII, qui a eu ce duché puisqu'il était l'écuyer de Louis XIII. Et donc, Saint-Simon est un être de fidélité, un être d'identité, de fixité, ses idées politiques, hein, on en parlera peut-être un peu, voilà, imagine toujours qu'il y a eu une sorte d'âge d'or de la monarchie qui était Saint-Louis, qui était, voilà, la nuit carolingienne et que, depuis, tout ne cesse de se dégrader et rentrer dans le chaos. Donc, son identité, c'est celle d'un duc. Il écrit ses mémoires, mais bon, on en reparlera, c'est sans doute un projet de toute une vie. Même s'il a bénéficié de sa retraite de la cour, en fait, les 20 dernières années de sa vie pour les mettre au propre. Et très vite, bon, il a décidé de savoir le mieux qu'il pourrait les affaires de son temps. Et voilà, c'est quelqu'un qui va vivre à la cour, mais qui rentre déjà à la cour de Louis XIV. C'est déjà, on est à la fin de règne d'une certaine façon, hein, puisqu'il rentre à la cour en 1691. Il n'a pas du tout, il faut bien saisir que souvent on le voit comme un écrivain du XVIIe siècle parce qu'il a ce côté comme ça un peu vieillot, un peu bigot, un peu guindé, un peu... Mais en fait, il a 20 ans, 20, 25 ans, disons, quand toute la grande génération des grands auteurs du XVIIe meurt, hein, la Fontaine, Sévigné, La Bruyère, Racine, disparaissent dans la dernière décennie du XVIIe siècle. Et lui rentre à la cour, en fait, voilà, au seuil de cette dernière décennie. Donc il a 19 ans. C'est ça, donc c'est plutôt un écrivain du XVIIIe siècle. Alors c'est un écrivain du XVIIIe siècle, et il a connu Montesquieu, enfin il a vécu le surgissement des Lumières. On n'en voit pas beaucoup de traces dans ses mémoires, mais en fait ce qui est intéressant c'est aussi de voir son langage, puisqu'en fait son langage aussi est déroutant dans la mesure où bon, sa langue est très libre et sa langue est tout à fait personnelle, et il a un usage du français qui n'est pas du tout académique, mais le spectre de sa langue, disons, va des Valois jusqu'à son époque, et c'est ça qui est très beau aussi dans les mémoires, on en reparlera peut-être, mm-hmm. ces variations de style. Il a un style qui peut être tout à fait rablaisien, très très vert, plein de verdeur, façon Henri IV, et puis il a ce style assez tenu qui annonce presque Sade du XVIIIe siècle, avec des périodes parfois très... Et voilà, et sa langue aussi est déroutante sur le plan des repères temporels. Alors avant de rentrer dans cette œuvre et de lire ensemble quelques textes, de commenter son style, de lire aussi les différents portraits qu'il dresse, on va passer toute la semaine avec Saint-Simon, partons encore une fois de la fin, et c'est-à-dire d'aujourd'hui. Pourquoi Saint-Simon est-il à la fois totalement méconnu de toute une partie de la population et des lecteurs? Je n'avais jamais lu une ligne de Saint-Simon avant de préparer cette émission, je dois vous le dire. Et en même temps célébré par certaines personnes comme Bruno Le Maire. Il y a une continuité qui est absolument stupéfiante entre la Ve République et la cour du roi absolu qu'était Louis XIV. C'est-à-dire qu'on retrouve tous les traits de cette cour dans la Ve République. Saint-Simon décrit à un moment donné une colère du roi Louis XIV. Il se promène dans les jardins de Versailles, toute la cour et les courtisans qui sont autour du roi Louis XIV, et il n'est pas satisfait, il y a quelque chose qui l'irrite. Et le roi Louis XIV hausse le ton. Et Saint-Simon a cette formule absolument magnifique. Tout d'un coup, tout le bruissement de conversation des courtisans s'arrête immédiatement. Et Saint-Simon dit « Il se fit un silence à entendre une fourmi marcher ». Je trouve que ça décrit parfaitement ce qu'est le pouvoir absolu et ce qu'est, dans le fond, le fonctionnement politique dans notre pays. Il y a peu d'hommes politiques aujourd'hui en France, Cécile Guilbert, qui ne se revendiquent pas de Saint-Simon, et je pense qu'ils le lisent vraiment. Enfin, en tout cas, Bruno Le Maire a l'air quand même d'avoir mille nez dedans. Comment vous expliquez cette postérité? Bon, alors c'est vrai que la matrice monarchique de la Ve République explique, voilà, et puis en plus, on vit dans un pays, si vous voulez, où tous les politiques sont censés être des grands littéraires et lire les classiques. En fait, on s'aperçoit bien que de Balladur à Le Maire et de Gaulle, alors peut-être de Gaulle avait lu l'intégralité des mémoires, mais j'en doute. En fait, je doute qu'aucun homme politique ait lu l'intégralité des mémoires, parce que les mémoires sont gigantesques, comme vous l'avez dit. Je l'ai dit, c'est plus de 7000 pages. En plus, il y a des tunnels épouvantables, et il faut pas se dissimuler très très long, parce qu'on verra comment étaient composées les mémoires, mais il y a aussi des empilements, si vous voulez, de digressions sur les rangs, sur la comparaison entre l'ordre du Saint-Esprit, les grands d'Espagne, etc., qui sont de véritables tunnels extrêmement rasoirs. Donc, vous avez tout lu, vous? Oui, moi j'ai tout lu parce que j'avais décidé d'écrire un livre sur Saint-Simon, donc c'était la moindre des choses que vous avez fait, que je lise tout. Mais en fait, il y a beaucoup d'anthologies extrêmement bien faites de Saint-Simon. Il suffit effectivement de lire. Là, Bruno Le Maire parle de la scène du bassin des Carpes, bon, qui était une scène effectivement très célèbre où éclate l'égoïsme et la colère effectivement de Louis XIV. À propos bon, d'une anecdote concernant une femme de la cour, mais voilà, les anthologies suffisent à avoir les meilleurs portraits, des sortes de best-of, si vous voulez, qui sont fantastiques, et après on peut effectivement se contenter de lire ça, et c'est absolument génial. Alors cette matrice prégnante de la monarchie, effectivement, elle continue à fonctionner dans nos institutions, et il est toujours de bon ton de dire qu'on a lu Saint-Simon. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi on l'aime, est-ce qu'on l'aime vraiment, qu'est-ce qui fait qu'il ressemble à aucun autre, parce qu'il y a eu beaucoup de mémorialistes après tout, hein, en France. On a eu Chateaubriand, on a eu le cardinal de Ré, on a eu beaucoup, beaucoup de gens. Mais Saint-Simon, c'est très, très unique. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce que il n'a aucune vocation d'écrivain. Donc, et il est passionné par la vérité. On verra que cette vérité n'est pas indemne, si vous voulez, d'une forme de partialité, des passions personnelles de Saint-Simon, de ses inimitiés, évidemment, qui influencent terriblement son écriture. Mais à partir du moment où il a décidé de tout dire, tout ce qu'il aurait vu, tout ce qu'il aurait su, et qu'il a passé sa vie à chercher, à savoir, et qu'il a fureté partout, qu'il s'est comporté comme un véritable espion à la cour, et qu'il décide que rien ne sera publié de son vivant, qu'il laissera passer plusieurs générations, qu'il n'aura donc aucune vanité d'auteur par rapport à son texte, mais que c'est ça le garant, si vous voulez, de la vérité, à partir du moment où tous les noms réels vont être cités dans toute leur turpitude, et Dieu sait si quand on lit les mémoires de Saint-Simon, on a l'impression d'être pris dans une tourbe humaine absolument presque dégoûtante, si vous voulez, parce qu'en fait, ça naît, ça meurt, c'est corrompu, c'est vicieux, c'est, ça n'arrête pas, quoi. C'est une véritable, c'est une forme de l'enfer, hein. La vie de cour, et sous la plume de Saint-Simon, il y a une noirceur, il y a son pessimisme religieux qui éclate, et puis ses passions personnelles. Donc, c'est un monument qui diffère de tous les autres parce que il a cette volonté de dire la vérité et de tout révéler, et de façon posthume. À partir du moment où le projet est posthume, Il est plus libre. Évidemment. Alors, avant d'entendre un texte encore une fois, qui est Saint-Simon et pourquoi se met-il à écrire s'il ne veut pas être écrivain ? Alors, il se met à écrire, alors à mon avis, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, s'il ne s'est jamais considéré comme un écrivain, il y a quelque chose qui l'intéressait beaucoup, c'était l'histoire. Et il a même une confidence, il a souvent des confidences, mais très rares, d'autant plus précieuses qu'elles sont rares, que... Il s'épanche jamais sur lui-même. Mais il dit, si on m'avait laissé faire, j'aurais pu être quelque chose, en fait, dans le domaine historique. En fait, il est passionné par l'histoire. Et donc, il pense qu'il fait une œuvre d'historien en écrivant les mémoires. Et aussi, il faut dire une chose, c'est que c'est... On sent que l'écriture est une sorte d'exutoire à des frustrations, et aussi à de la mélancolie, et peut-être aussi à des formes de dépression, et peut-être même, c'est peut-être le substitut d'une énergie libidinale aussi qui s'exprime pas, parce qu'on pense pas que Saint-Simon soit un être très sensuel ou qui était beaucoup intéressé par la sexualité. Rien n'en filtre dans les mémoires, mais de toute façon, d'après les témoignages de ses contemporains, il a plutôt été raillé, si vous voulez, toute sa vie. Il était petit, très vertueux. On pensait même qu'il était impuissant. Son père lui-même était considéré peut-être comme un des mignons de Louis XIII. Puis il y a cette amitié fabuleuse avec le régent qui fait que, bon, certains commentateurs ont vu une sorte d'homosexualité sublimée. Bon, enfin bref, c'est pas un être de sexe et de sensualité, mais en tout cas, dans l'écriture, se décharge, si vous voulez, son énergie libidinale d'une certaine façon. Et il a écrit aussi dans sa retraite, il a mis au propre. Il lui restait quand même 20 ans à vivre. Il a vécu très vieux pour son époque et... Ces 20 ans étaient sans doute très durs à vivre. Il n'était plus rien à la cour. Il a perdu, comme vous l'avez rappelé au début d'émission, sa femme, puis ses deux fils. Et donc l'écriture, a été une sorte d'exutoire. Et il s'est dit, après tout, il s'est sauvé en écrivant. Il a, en 1690, il a 15 ans et il écrit un premier texte. C'est pas encore l'entreprise des mémoires. Et écoutez ce texte parce que se trouve déjà le style, la manière d'écrire de Saint-Simon et peut-être sa personnalité. Chacun sait assez comme se célèbre une messe de Requiem, pontificalement et en musique. C'est pourquoi il me suffira de décrire les révérences faites à l'offerte, l'oblation du pain et du vin, et autres cérémonies particulières aux obsèques et à cette pompe funèbre. C'est pourquoi, le temps de l'offerte étant venu, un fauteuil fut mis immédiatement au-dessus des deux marches traversantes le chœur et des pliants pour les autres évêques ayant tous la mitre en tête, et derrière eux étant debout les moines officiants et servants à la cérémonie et les aumôniers des dix prélats. Le roi d'armes, voyant les prélats placés, se détacha le premier et, sortant de sa place, avança jusqu'auprès des prélats et fit une révérence de cérémonie à l'autel et aux célébrants qui faisaient corps avec le dit autel. Révérence de cérémonie est croiser les deux pieds et les deux jambes, puis, sans baisser le corps ni la tête, plier les genoux comme font ordinairement les femmes. Mais les femmes reculent ou penchent un peu le corps en pliant les genoux, et cela ne se pratique point en matière de révérence de cérémonie, puisque, sans aucun mouvement du corps, les genoux ne font que plier fort bas, et le corps, à proportion, s'abaisse en demeurant droit. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous lisons les mémoires de Saint-Simon cette semaine, aujourd'hui en compagnie de Cécile Guilbert. Il y a presque une ironie qui se dégage de la rencontre entre la musique, le Requiem, et la plume de Saint-Simon qui décrit le mouvement du genou, du pied, comment est-ce qu'on fait la révérence, c'est pas vraiment comme une femme. Cette ironie, alors je sais pas si le terme est adéquat, hein, mais en tout cas c'est quelque chose qui caractérise l'écriture même de Saint-Simon. Il a un tel sens du détail qu'on en oublie la solennité du moment. Oui, et en même temps, ce texte est absolument non représentatif de ce qui va faire le style de Saint-Simon. C'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas du tout là. Et alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il a 15 ans, c'est le premier texte connu qu'on a de lui, et déjà éclate dans ce texte deux passions fondamentales qu'on va retrouver dans les mémoires, mais dans un style tout à fait différent, parce que ça, c'est un texte assez ennuyeux, qui court sur 15 pages, où il décrit dans les plus petits détails la position du cercueil, comment sont vêtus les officiants. Enfin, c'est ennuyeux, mais c'est passionnant de voir comment il décrit oui, tout ça. Parce qu'il y a c'est presque cinématographique. Oui, parce qu'il y a l'attention aux détails. Alors d'abord, il y a la pompe mortuaire. Ça l'a toujours passionné. Et effectivement, les mémoires, quand vous parlerez des portraits, vous verrez qu'en fait, les portraits sont toujours rappelés au moment des obsèques ou au moment de la mort de quelqu'un. La mort est très très présente dans les mémoires. C'est un gigantesque obituaire, les mémoires, finalement. Il y a donc la mort, la pompe funèbre, et puis il y a l'étiquette, le cérémonial, le protocole, qui va être une passion fixe, hein, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, passion fixe de sa vie, qui est déjà présente dans ce texte alors qu'il n'a que 15 ans. Et donc qu'est-ce qu'on voit de Saint-Simon qui sera présent dans les mémoires ensuite dans ce texte? Vous dites que c'est très différent. Alors c'est parce que le style, si vous voulez, est assez compassé, assez raide, assez guindé. Alors que le style de Saint-Simon, ce qui a électrisé tout le monde, c'est justement son côté frénétique, son entassement de mots, comme s'il n'avait pas le temps. Parfois, les phrases, il y a des rafales d'incidentes. Il écrit pas du tout selon les formes. Et surtout, il a des visions complètement hallucinées. Il y a un style qui est complètement électrique. Il y a une richesse de vocabulaire. Il y a des choses qui se percutent. C'est un style flamboyant qui a des grandes variations. On l'a dit tout à l'heure, mais qui n'a rien de cette prose froide et raide. Voilà. C'est comme ça que vous caractérisez le texte qu'on vient d'entendre. Oui. Et ben moi, j'y vois comme une caméra qui se déplace pendant une cérémonie, qui va observer l'importance du corps, de chaque mouvement du corps. Et c'est pour ça que ce décalage entre le moment solennel et le petit détail crée quelque chose là pour le lecteur. Oui, parce qu'il y a effectivement le sens du détail. Et le sens du détail, on va voir que justement, ce qui fait la grandeur des mémoires, c'est cette accumulation forcenée de détails. C'est ça qui leur donne leur véracité. Et c'est pour ça que c'est de la littérature. Messieurs, le roi. Madame de Saint-Simon est dame d'honneur de la future duchesse de Berry. Sire. Mon ami, nous avons un logement à Versailles. Une antichambre avec cheminée servant de salle à manger. Deux chambres, une pour chacun de nous. Mais je pense que vous viendrez parfois dans la mienne. Assurément. Nous avons chacun un cabinet à une fenêtre, sans parler d'une suite de pièces entresolées et sans fenêtre, donnant sur la galerie. Oui, oui, que l'on nomme les demi-doubles. Oui, c'est exactement cela. L'un de ces cabinets sera désormais mon cabinet de travail, et c'est là que j'écrirai. Le roi, plus avide de savoir tout ce qui se passait et plus curieux des rapports qu'on ne le pouvait croire, quoiqu'on le crût beaucoup, avait autorisé Bontemps, puis Blouin, gouverneur de Versailles, à prendre quantité de Suisses. Ces derniers étaient secrètement chargés de rôder les soirs, les nuits et les matins dans tous les degrés, les corridors, les passages, les privés, et quand il faisait beau, dans les cours et les jardins, de patrouiller, se cacher, s'embusquer, remarquer les gens, les suivre, les voir entrer et sortir des lieux où ils allaient, de savoir qui y était, d'écouter tout ce qu'ils pouvaient entendre, de n'oublier pas combien de temps les gens étaient restés, où ils étaient entrés, et de rendre compte de leur découverte. Ce manège, dont d'autres subalternes et quelques valets se mêlaient aussi, se faisait assidûment à Versailles, à Marly, à Trianon, à Fontainebleau et dans tous les lieux où le roi était. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Cécile Gilbert, Saint-Simon est l'écrivain de Versailles, c'est ainsi qu'on pourrait le caractériser aujourd'hui. On a entendu un extrait, donc toujours cette fiction radiophonique, où il arrive à Versailles avec sa femme et on sent la joie qu'il a de découvrir la vie de cour. Et j'ai lu ensuite un exemple de ce qu'il va raconter. Lui-même observe ceux qui sont commandités par le roi pour observer, si bien qu'il se situe en fait à 2 degrés de la vie du cour. Il a ce rôle d'observateur. Est-il caché ou se montre-t-il au moment où il écrit ? Non, il est caché. Alors c'est pour ça que les fictions radiophoniques ou les mises en scène, si vous voulez, cinématographiques ne donnent jamais, enfin c'est jamais la vérité. Parce que d'une part, Saint-Simon n'avait pas du tout envie que sa femme devienne la dame d'honneur de la duchesse de Berry. Il a fallu qu'on lui fasse comprendre que c'était quand même un rang extraordinaire et qu'il aurait des certains avantages matériels, parce qu'il est extrêmement désintéressé en fait du point de vue et de l'argent et des avantages matériels à partir du moment où son rang, il estime que son rang est supérieur à ce qu'on lui propose. Et d'ailleurs, il a fui les charges toute sa vie. On lui a proposé le conseil des finances, etc. Ceci étant, quand il dit « j'aurai mon cabinet pour écrire », mais en fait, quand on sait ce qu'était son cabinet, tel qu'il le raconte dans les mémoires, c'est un lieu, mais extrêmement secret. Et c'est-à-dire qu'il faut surtout pas laisser penser qu'on peut écrire. Alors, bien sûr qu'il écrit, parce qu'il écrit, si vous voulez, toutes sortes de documents qu'on lui demande. On lui demande des relations de procès, on lui demande des mémos, on lui demande des notes, on lui demande des choses. Alors, il y a certaines choses qui sont, voilà, qui peuvent circuler, mais il y a aussi plein de choses secrètes qui ne doivent pas circuler. Et donc, si je peux me permettre de lire un petit extrait qui décrit son lieu de travail, qui je trouve fascinant, c'est qu'il dit: tout ce demi-double obscur était coupé d'entresols sous lesquels chaque cabinet avait un arrière-cabinet. Cet arrière-cabinet, moins haut que le cabinet, n'avait de jour que par le cabinet même. Tout était boisé et ces arrière-cabinets avaient une porte et des fenêtres qui, étant fermées, ne paraissaient point du tout et laissaient croire qu'il n'y avait rien derrière. J'avais dans mon arrière-cabinet un bureau, des sièges, des livres et tout ce qu'il me fallait. Les gens fort familiers qui connaissaient cela l'appelaient ma boutique. Et en effet, cela n'y ressemblait pas mal. Donc vous voyez qu'il est bien caché dans un arrière-cabinet. Ce qu'on appelle le cabinet noir. Alors le cabinet noir, si vous voulez, c'est l'officine qui est à Versailles, si vous voulez, surveille les correspondances. Parce qu'en fait, les correspondances étaient ouvertes. Donc en fait, il faut voir que Versailles est un endroit. Versailles, Marly, partout est le roi. Il y a une sorte de système de contrôle et, ouais. Et à Marly, il y a même un système panoptique de contrôle puisque Saint-Simon raconte que quand il veut parler à des gens discrètement, il est obligé d'aller dans certains coins du parc parce que si vous voulez, toutes ces enfilades classiques de jardin à la française, on peut voir tout le monde à tout moment, on sait qui est avec qui. Donc, c'est des lieux extrêmement fliqués par le cabinet noir du roi, par les Suisses, par les gardes et on sait toujours... C'est une sorte de centrale de potins et de propos rapportés. Tout ça bruise du matin au soir. Et en fait, c'est un lieu extrêmement dangereux. Que Saint-Simon a toujours dit que c'était la cour la plus dangereuse du monde. Parce que tout le monde est obligé de cacher ses émotions, de ne pas laisser paraître ses affects, d'être tenu à un certain maintien. Et justement, le défi de Saint-Simon, ça va être toute sa vie d'essayer de percer ses masques. Parce qu'il part du principe, si vous voulez, que ce qui est le plus important est le plus caché. Et qu'évidemment... S'il s'agit de papoter sur tout ce que tout le monde sait, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est du menu fretin. Ce qu'il faut, c'est découvrir les informations cachées à la fois par tout le système politique de l'absolutisme royal et aussi par tous ces courtisans si habiles, dressés depuis des années, si vous voulez, à cacher. Alors, il aura des informateurs. C'est un véritable espion. Hein. Et en plus, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par la vue, qui est un voyeur, qui est même un voyeux, hein, au dire de d'Yves Coirot, un des spécialistes. Un voyeux, c'est-à-dire que rien ne l'excite plus que de découvrir, par sa vue même, par ce témoignage optique qu'il peut avoir, ce qui se passe, qui est agité par quoi, quel cavale. Oui, mais justement, ce goût de la vérité, il faut le comprendre comment c'est la vérité pour défaire le mensonge politique. Il y a une dimension politique, ou est-ce que c'est le goût littéraire de saisir l'essence des choses indépendamment des apparences, ou l'inspecteur qui veut enquêter et avoir le fin mot de l'histoire? Non, c'est pas du tout un goût littéraire. C'est lié à son projet de dire l'histoire de son temps et d'avoir été partie prenante. Parce qu'en fait, il part du principe qu'on peut être sûr de ce qu'on raconte que si on en a été témoin, que si on l'a vu, que si on en a. Il s'agit pas d'avoir un témoignage de deuxième ou troisième main. Hein. Donc, il se dit puisque je suis aux premières loges, j'ai la chance d'être aux premières loges. Je vais essayer de. Alors évidemment qu'il y a une dimension critique, oui. Mais pas que sur la façon de gouverner ou ce qu'est le roi Louis XIV, hein, parce qu'il fera un tableau du règne très connu évidemment après la mort du roi, où il essaiera de faire un bilan hein, de ce qu'a été le règne de Louis XIV, mais aussi sur la vérité psychologique, quels sont les mobiles, les intérêts, les passions qui agitent tous ces gens, parce qu'il faut voir que la cour, c'est si vous voulez, c'est un système à la fois de fermentation sociale et les choses se déplacent constamment en fonction des alliances, en fonction des mariages. C'est très hiérarchisé, mais en même temps ça bouge et c'est ça qui le rend fou, parce qu'il y a la famille royale, le roi, la famille royale. Après il y a les princes du sang. Après normalement il y a les ducs et toute l'aristocratie comme ça hiérarchisée. Et en fait Louis XIV a foutu en l'air d'une certaine façon ce système, puisqu'il a légitimé ses bâtards, les enfants qu'il a eus avec ses favorites, qui ont pris le rang intermédiaire, si vous voulez, entre les princes du sang et les ducs. Ça rend fou Saint-Simon. Et pareil, les princes étrangers. Donc, il ne cesse de traquer les usurpations, tout ce qui peut venir empiéter sur ses prérogatives et celles des ducs. D'autant qu'il y a quelque chose de très particulier dans cette cour, c'est que, en fait, il y a un paradoxe entre le fait de tout vouloir montrer, c'est-à-dire on montre le roi qui fait ses besoins, c'est en public, il y a une espèce de diktat comme ça d'une soi-disant transparence, alors qu'en fait, tout ce qui est essentiel est caché. C'est qu'on croit qu'on montre tout, alors qu'en fait, l'essentiel est caché. Mais je crois que c'est le propre de tous les pouvoirs. Quand j'ai écrit ce livre sur Saint-Simon, j'étais frappée parce qu'en fait, je l'ai écrit... À un moment, bon, voilà, de la Ve République, il y avait eu des histoires de cohabitation. Donc c'était en 1994. Voilà, en 1994. Et j'étais frappé de voir à quel point, finalement, le fait qu'on soit sous l'Ancien Régime ou pas, ne changeait rien au fait que le plus important est le plus caché. Et c'est-à-dire qu'en fait, au même titre qu'un journaliste d'investigation doit aller enquêter, aller chercher des choses pour trouver une info qui soit pas celle qu'on donne en pâture aux gens, Saint-Simon est obligé, lui aussi, d'aller chercher une information qui soit pas celle qu'il faut la Gazette. C'est pour ça que, quand il écrit ses mémoires, il va se servir du journal de Danjou, par exemple, qui était un courtisan très plat et très médiocre, qui avait noté de façon chronologique toutes les journées. Alors ça a beaucoup servi à Saint-Simon, parce que lui, il a pris cette chronologie, comme ça il a pu avoir tous les événements en mémoire, mais en même temps, il les a complètement incarnés. Il avait ses souvenirs personnels qui étaient liés à tous ces événements. Danjou n'aurait jamais pu écrire les mémoires de Saint-Simon, ça c'est clair, mais... Il faut aller au-delà des apparences, au-delà de ce qui est su, et il faut questionner les gens, avoir des conversations, et avoir encore une fois des informateurs, et aussi se passionner pour tout ça. Bon, ça, c'était son cas. Et il faut trouver des personnes qui vous soutiennent dans ce projet. Écoutez la lettre du 29 mars 1699 que Saint-Simon écrit au saint abbé de Rancé, comme pour lui demander l'autorisation d'aller, de s'engouffrer dans cette voie du mémorialiste qu'il voudrait devenir. Il y avait déjà quelque temps que je travaillais à des espèces de mémoires de ma vie qui comprenaient tout ce qui a un rapport particulier à moi et aussi, un peu, en général et superficiellement, une espèce de relation des événements de ces temps, principalement des choses de la cour. Et comme je m'y suis proposé une exacte vérité, aussi m'y suis-je lâché à la dire bonne et mauvaise, toute telle qu'elle m'a semblé sur les uns et les autres, songeant à satisfaire mes inclinations et passions en tout ce que la vérité m'a permis de dire, attendu que, travaillant pour moi et bien peu des miens pendant ma vie, et pour qui voudra après ma mort, je ne me suis arrêté à ménager personne par aucune considération. Mais voyant cette espèce d'ouvrage qui va grossissant tous les jours avec quelque complaisance de le laisser après moi, et aussi ne voulant point être exposé aux scrupules qui me convieraient à la fin de ma vie de le brûler, comme ça avait été mon premier projet, ou même plutôt, à cause de tout ce qu'il y a contre la réputation de 1000 gens, et cela d'autant plus irréparablement que la vérité s'y rencontre tout entière et que la passion n'a fait qu'animer le style, je me suis résolu à vous en importuner de quelques morceaux pour vous supplier par ceci de juger de la pièce et de me vouloir prescrire une règle pour dire toujours la vérité sans blesser ma conscience, et pour me donner de salutaires conseils sur la manière que j'aurai à tenir en écrivant des choses qui me touchent particulièrement et plus sensiblement que les autres. Bravo à Daniel Mesguich qui prête sa voix à Saint-Simon cette semaine et qui lit ce texte. C'est une seule phrase, hein, ce qu'on vient d'entendre Cécile Guilbert. Alors là, ça peut faire penser à Proust justement, qui lui est un des rares auteurs qui va rendre hommage à Saint-Simon et qui l'aura vraiment lu toute sa vie et qui ne lui reprochera pas son étroitesse d'esprit, comme le disait Stendhal que j'ai cité en début d'émission. Si on le lit de près, on voit que on a comme un portrait en creux de lui-même. Il dit « Je voudrais écrire les mémoires de ma vie qui comprenaient tout ce qui a un rapport particulier à moi ». Et aussi un peu en général et superficiellement une espèce de relation des événements de ces temps. On a pu lui reprocher, dire mais en fait, est-ce qu'il ne parlait que de lui? Ou est-ce que finalement le fait de vouloir écrire l'histoire, de vouloir dire la vérité, n'est pas qu'un prétexte pour mettre en scène une sorte d'ego avec lequel la postérité aurait eu du mal? C'est le portrait qu'on en fait aujourd'hui. Non, je crois pas du tout qu'il veut se mettre en avant. Ce qu'il veut, c'est écrire ses mémoires historiques, puisqu'il se prend pour un historien, comme je l'ai dit. Simplement, il a un gros problème, c'est le problème de la charité chrétienne. C'est-à-dire c'est quelqu'un de pieux, Saint-Simon, hein. C'est pas du tout, alors, Rancé est une figure familière pour lui. L'abbé de Rancé. Alors, c'est très important, l'abbé de Rancé, parce qu'en fait, il sera au confluent quand même de 3 grands mémorialistes français. C'est un ami du cardinal de Ré. Mmh. Et d'ailleurs, il a conseillé au cardinal de Ré, qui s'était ouvert à lui, de détruire ses mémoires. Et le cardinal de Ré n'en a rien fait, et les mémoires du cardinal de Ré sont parues en 1717 et ont été un succès énorme. Ré était déjà mort. Et Saint-Simon, il a été aussi, bon évidemment on connaît ça, le Chateaubriand, la vie de Rancé, Et il a été en fait la plus grande, enfin la référence spirituelle la plus constante de la vie de Saint-Simon, puisque Saint-Simon, quand il était petit, allait à l'abbaye de la Trappe, qui était située pas très loin du château familial, et son père lui avait présenté Rancé, et Rancé était quelqu'un fondamental pour lui. Il s'ouvre à Rancé de cette question de la charité chrétienne parce que il sent bien que disant la vérité et faisant les portraits de tous ses contemporains, bah évidemment, ça risque de ne pas être très charitable. Et il accompagne cette lettre d'ailleurs de ce qu'il a écrit de plus amer, dit-il, qui est la relation d'un procès qu'il avait fait au duc de Luxembourg, encore sur des questions de préséance et de rang, et qui sont évidemment vibrants d'animosité et de passion furieuse. Et alors, on ne connaît pas la réponse de Rancé, mais ce qui est important, moi, c'est, cette lettre me semble importante, parce qu'en fait, à la différence, si vous voulez, d'une vulgate qui consisterait à dire que Saint-Simon écrit ses mémoires dans sa retraite, parce qu'il s'ennuie, parce qu'il n'est plus rien à la cour, parce que il est mélancolique, certes, il y a ces éléments à rendre en compte, si vous voulez. Mais en fait, ce qui est fascinant, c'est de voir qu'à 24 ans, puisqu'il a à peu près 24 ans quand il écrit cette lettre, il est rentré à la cour depuis quelques années seulement, il a déjà ce projet des mémoires. Il l'a dès l'âge de 19 ans, en fait. C'est-à-dire qu'il sait qu'il voudrait écrire quelque chose de ce qu'il a vu, de ce dont il a été témoin. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on ne connaît pas les réponses de Rancé, mais en tout cas, quand il écrira ses mémoires, il s'interrompra à un moment, au moment de la mort de sa femme, il sera dans sa retraite à écrire, il va mettre plus de 10 ans à écrire les mémoires. À un moment, sa femme meurt en 1743, lui ne meurt qu'en 55, mais disons qu'il a fini d'écrire les mémoires en 50, en 43, il s'arrête dans sa rédaction, sa femme meurt, il s'arrête pendant 6 mois, il trace d'ailleurs un rideau de larmes sur son manuscrit. C'est très émouvant de voir ça quand on voit son manuscrit. Il y a des petites croix et des petites larmes qui marquent le jour, voilà, de la mort de sa femme. Et 6 mois après, il écrit le prologue, dont on parlera tout à l'heure, ouais. Et le prologue reprend de façon extrêmement plus véhémente, plus ample, avec des dégagements puissants, cette question de la charité chrétienne, est-ce qu'elle est compatible avec l'écriture des mémoires? C'est-à-dire que quand il écrit dans la lettre qu'on a entendue qu'il voudrait dire toujours la vérité sans blesser ma conscience, sa conscience, c'est la conscience chrétienne. Oui, oui, tout à fait. Il a des scrupules, et il utilise ce terme. Et voilà, à cause de tout ce qu'il y a contre la réputation de 1000 gens. Il y en a 7000. Alors, il fait pas des détails sur 7000 personnes dans les mémoires, mais si vous voulez, il y a énormément de portraits. Il raconte des choses, il est extrêmement bien informé. Il dit des choses très dures. Il y a des portraits qui sont absolument assassins. On pense sans doute que une fois l'abbé de la Trappe mort, et il aura peut-être moins de scrupules et il pourra écrire, se lancer dans ce projet. Parce qu'il y a quand même dans cette lettre-là l'insistance sur la vérité, l'exacte vérité, satisfaire, dit-il, mes inclinations et passions en tout ce que la vérité m'a permis de dire. Quand on lit ce texte-là, on se dit, mais il y a quelque chose presque de rousseauiste, c'est-à-dire je vais arriver, je vais dire la vérité, il y aura de moi, mais je me servirai d'exemple universel. Oui, oui. Alors, la vérité, c'est sa passion. Mais en fait, quand on commente un peu, quand les historiens ou de beaucoup de commentateurs, si vous voulez, sont toujours prompts à montrer que Saint-Simon se justifie toujours de cet argument de la vérité, mais qu'en fait, ses mémoires transpirent pas du tout ni l'objectivité. Alors, la vérité, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, ses mémoires ne sont pas objectifs et ne sont pas impartiaux. C'est évident. Il y va, il vient avec ses passions et avec ses, il a eu des ennemis, il a eu des amis. Finalement, il y a que ses amis qui transparaissent comme des êtres vertueux. On a l'impression que on peut compter sur les doigts de la main. Finalement, les personnages dont il fera des éloges sans tache, d'une certaine façon. Le duc de Bourgogne, son beau-père, les quelques ducs qui sont dans ce petit groupe avec son beau-père et lui, sa femme. Et tout le reste, c'est épouvantable. Ah, monsieur de Bouffay, je vous salue. Sire, après la bataille de Malplaquet que nous avons perdue, je puis me permettre de dire à votre majesté que jamais malheur n'a été accompagné de plus de gloire. Merci, monsieur le maréchal, vos paroles me font du bien. Je vous en suis profondément reconnaissant. Mais puisque vous notez toutes choses, monsieur, notez donc que jamais dans mon gouvernement je n'ai fait appel aux nobles. Et Colbert en est le plus haut témoignage. On s'étonne cependant que les prélats aussi soient tenus à l'écart par votre majesté. Il ne faut pas qu'on s'en étonne. Non, il y a des souvenirs qui ne s'effacent pas. Oui. Ce n'est pas cela que j'ai dit, monsieur de Saint-Simon. Perdez donc cette habitude déplorable que vous avez de rapporter inexactement les paroles et les faits dont vous êtes le témoin. Soyez éblouissant, monsieur de Saint-Simon. Et soyez juste. Allons, madame. Donc, contrairement à ce que laisse entendre Sacha Guitry hein, dans son film Si Versailles m'était compté, dans lequel Sacha Guitry joue le rôle de Louis XIV, et puis là vous avez entendu Saint-Simon joué par Jacques François, à aucun moment Louis XIV ne dicte à Saint-Simon ce qu'il faut écrire, puisque Saint-Simon écrit dans le plus grand secret. Mais quelles étaient les relations entre Saint-Simon et le roi, Cécile Gilbert? Alors je dirais qu'au début, les relations sont assez bonnes, puisqu'en fait, Saint-Simon est un jeune homme bien marié, qui arrive à la cour, qui rentre dans une compagnie de mousquetaires, qui va se battre, hein, il y a des guerres, etc. Il est invité à Marly, ce qui est le signe de la faveur la plus insigne, puisque en fait Marly, voilà, c'était une des façons, un des fétiches de prestige, comme dirait Norbert Elias, qui permettait à Louis XIV de favoriser certains courtisans. Mais assez vite, entente qui n'en est pas une, hein, parce qu'après tout, Saint-Simon est un courtisan parmi d'autres. Très vite, ça va se dégrader un peu parce que à cause de cette ducomanie de Saint-Simon, à cause de cette façon qu'il a de critiquer beaucoup la façon dont les choses se passent sur les rangs, la façon dont les ducs sont bafoués. Mais ça, il le fait ouvertement. Alors, il le fait ouvertement, disons qu'il prend parti dans certaines querelles, alors, il y a le procès du duc du Luxembourg dont on a parlé, etc. Et puis, très vite, bon, il y a aussi toute une politique de Louis XIV qui consiste à favoriser les bâtards. Et donc, il y a toute une série de décisions qui interviennent au moment où Saint-Simon est entré à la cour, où ils prennent ce rang intermédiaire, où déjà en 1680, ils peuvent porter le nom de Bourbon, ils font toute une série de mariages avec des princes du sang. Bon, ils montent en puissance, les bâtards. Alors ça rend fou Saint-Simon. Et très vite, en fait, Louis XIV va avoir des bruits qui lui reviennent aux oreilles, comme quoi il fait des histoires sur tout. Et donc, évidemment, ça va revenir aussi aux oreilles de Saint-Simon, qui est pris dans une sorte d'ambiguïté vis-à-vis de Louis XIV. C'est-à-dire qu'il l'admire, c'est un grand roi, enfin, il y a cette majesté, il y a tout ce qu'il a fait, etc. Et puis, en même temps, il y a toujours la critique du despotisme aussi, parce que finalement c'est quelqu'un qui, en dépit de sa morgue aristocratique et de sa passion des rangs, sera toujours très sensible en fait à la misère qu'il perçoit dans le pays, les impôts trop élevés sur les paysans. Il faut dire que le royaume traverse des périodes de famine, c'est épouvantable. Il traitera les maltotiers, tous ceux qui ramassent les impôts, d'anthropophages. Il critiquera toujours les décisions fiscales, etc. Il y a un côté, si vous voulez. Saint-Simon n'aurait jamais pu justifier la Révolution française, mais en fait, tout ce qu'il raconte et qu'il indigne sont des choses qui expliquent aussi la Révolution française d'une certaine façon. Et donc, avec Louis XIV, à chaque fois, il sera obligé de solliciter des audiences pour un peu se disculper de tout ce dont on l'accuse, de ses mauvaises paroles, faire des histoires sur tout, etc. Donc, il y a aussi deux, trois récits assez savoureux dans les mémoires de ces audiences avec Louis XIV qui sera douci. Et puis, en fait, je pense que Louis XIV n'a pas grand chose à faire. En tout cas, il va jusqu'à lui écrire une lettre anonyme, Saint-Simon. Oui, à un moment, il y aura cette histoire de lettre anonyme dont on ne sait pas. Alors, il y a des discussions, savoir si elle est de lui, pas de lui. Bon, il semblerait qu'elle soit de lui, qui n'a jamais été envoyée et qui est à la fois toute une série de doléances sur un certain nombre de points, plus aussi des propositions politiques, de réformes et de ce qu'il faudra améliorer. Elle n'a jamais été envoyée? Non. Jamais été envoyée, mais on peut la lire, elle est assez belle et assez intéressante. Bon, on peut en écouter un extrait si vous voulez. Très bien. La voici. Avec une guerre presque continuelle, votre peuple, sire, a été affligé depuis peu de deux fléaux qui peuvent trop véritablement porter le nom de famine et de peste. Ce dernier a fait périr toute l'espérance et toute l'assurance de votre majesté et de son état. Attendez-vous à changer la forme d'un gouvernement si ruineux que la matière, c'est-à-dire que le royaume est manqué et qu'il n'y ait plus de monarchie? Quel compte qu'un règne de 70 ans, pour soi tout seul en toute manière. Quel compte que tant de fleuves de sang dont vos ministres vous ont fait inonder l'Europe. Autre compte, sire, plus terrible que tous les autres que vous vous préparez. Puisque vous répondrez de ce que vous ignorez comme de ce que vous connaissez. Puisque la vérité ne fuit point les rois qui l'aiment et qui la cherchent, et puisque ne remédiant pas à ce que vous savez, vous remédierez bien moins encore à ce que vous ne savez pas, peut-être à ce que vous ne voulez pas apprendre, très certainement à ce que vous avez mis en état qu'on ose et qu'on ne peut vous dire. France Culture, Les chemins de la philosophie. Adèle Van Rett. C'est une lettre très virulente quand même. Saint-Simon reproche au roi de confondre sa propre personne et sa fonction, il y a de ça, non ? Ah ben vous avez tout à fait raison, parce que c'est justement ça le problème avec Louis XIV. Alors d'abord, il lui reproche de fuir les gens d'esprit, de ceux qui ont de la raison, des connaissances, des vues étendues. Il lui reproche de rechercher toujours la flatterie. Il y a des portraits de Louis XIV où on a l'impression que les flatteries les plus basses et les plus grossières sont tout à fait acceptées, appréciées, etc. Il lui reproche, alors, cette histoire d'avoir confondu les deux corps du roi, en fait. C'est ça. Et c'est ça, les bâtards. C'est-à-dire que, pour Saint-Simon, les bâtards, on peut rire de cette obsession des bâtards qui revient comme un fil rouge dans les mémoires, mais les bâtards, si vous voulez, sont les enfants de l'obscurité dans la mesure où ils ne sont que les enfants de la personne privée, ils ne sont pas les enfants de la royauté, donc ils ne peuvent pas avoir de droits, ils ne peuvent pas devenir ces colosses de grandeur, comme dit Saint-Simon. Donc, il reproche beaucoup de choses au roi, y compris de aussi de la domestication de la noblesse, aussi d'avoir cette noblesse bonne à rien qui n'est là que pour dépenser dans le luxe, les fêtes que le roi réclame, etc., et qui en fait empêche la noblesse de jouer son rôle, qui devrait aussi être de conseiller le prince et d'être là pour l'épauler, etc. Oui, donc, c'est pas la noblesse en tant que telle, parce que Saint-Simon adore la noblesse. Oui, il adore la noblesse, mais si vous voulez, les ducs et les personnages qui sont au sommet de cette noblesse, si vous voulez, normalement devraient être les conseillers du prince ou devaient avoir des rôles plus importants. Et c'est ce qu'il espérera avec le duc de Bourgogne, qui serait le petit-fils de Louis XIV après la mort du dauphin. Mais malheureusement, il sera emporté aussi assez jeune et Saint-Simon ne verra son rêve s'écrouler. Donc Louis XIV est d'une intelligence au-dessous du médiocre, disait-il de lui. Bon. Mais après, quand on voit le tableau du règne, il faut nuancer, parce que il est quand même le sujet de son roi, et c'est tout ça est beaucoup plus. Il y a des choses qui contrebalancent ces appréciations très négatives sur le roi. Alors on va lire, on va écouter l'extrait du prologue des Mémoires de Saint-Simon. C'est un texte absolument magnifique dans lequel on y entend presque une sorte de prise de position philosophique sur le néant du monde. Écoutez ce texte et puis vous nous le commenterez ensuite, Cécile Guilbert. Écrire l'histoire de son pays et de son temps, c'est repasser dans son esprit, avec beaucoup de réflexion, tout ce qu'on a vu, manié ou su d'original, sans reproche, qui s'est passé sur le théâtre du monde, et les diverses machines, souvent les riens apparents, qui ont mu les ressorts des événements qui ont eu le plus de suite et qui en ont enfanté d'autres. C'est se montrer à soi-même, pied à pied, le néant du monde. De ses craintes, de ses désirs, de ses espérances, de ses disgrâces, de ses fortunes, de ses travaux. C'est se convaincre du rien de tout par la courte et rapide durée de toutes ces choses et de la vie des hommes. C'est se rappeler un vif souvenir que nul des heureux du monde ne l'a été et que la félicité, ni même la tranquillité, ne peut se trouver ici-bas. C'est mettre en évidence que s'il était possible que cette multitude de gens de qui on fait une nécessaire mention avait pu lire dans l'avenir le succès de leurs peines, de leurs sueurs, de leurs soins, de leurs intrigues, tous, à une douzaine près tout au plus, se seraient arrêtés tout court dès l'entrée de leur vie et auraient abandonné leurs vues et leurs plus chères prétentions. Et que de cette douzaine encore, leur mort, qui termine le bonheur qu'ils s'étaient proposé, n'a fait qu'augmenter leurs regrets par le redoublement de leurs attaches et rend pour eux comme non avenu tout ce à quoi ils étaient parvenus. Se montrer à soi-même, pied à pied, le néant du monde. Nul des heureux du monde ne l'a été. La félicité ni même la tranquillité ne peut se trouver ici-bas. Il y a une tonalité quasiment pascalienne dans ce texte, Cécile Guilbert. Tout à fait pascalienne, et aussi quelque chose qui rappelle le Coëlette, hein, vanité, vanité, tout n'est que vanité. Et c'est ce texte, bon, qui rencontre du pessimisme. Il y a une forme de pessimisme augustinien chez Saint-Simon. Il y a aussi des accents qui rappellent beaucoup Bossuet, évidemment, sur toutes les oraisons funèbres, tous ces grands qui sont morts. À quoi ça sert, toutes ces grandeurs d'établissement, puisque finalement, nous finirons tous au tombeau. Et je dirais que c'est ce qui est une des tensions. Voilà, il y a le néant du monde, et alors on se dit, mais si tout ça n'est que néant, si il y a ce rien de tout, il parle, hein, c'est se convaincre du rien de tout. Alors, ces oppositions comme ça, très fortes. C'est magnifique ça, le oui. rien de tout. Et on se dit, mais comment cet homme persuadé finalement du rien de tout et du néant du monde, pourquoi s'est-il acharné pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute sa vie en fait, à décrire ce néant de rien de tout, hein. Et c'est cette tension qui est très belle et qui fait la beauté des mémoires. Il y a deux tensions très belles dans les mémoires. Il y a ce contraste entre être convaincu de la vanité des choses et en même temps accumuler les preuves de cette vanité des choses et tous ces détails qui incarnent tout et qui font ressusciter toute cette humanité comme une sorte d'Atlantide. Et puis, il y a aussi cette tension dans les mémoires, il faut en dire vraiment quelque chose, entre le goût qu'on sent de Saint-Simon pour la vertu, pour l'équilibre, pour les facultés sensibles, de la raison, et aussi ces accès parfois de ces passages un peu qui sont dignes d'un moraliste, hein, parce que quiconque écrit sur la course tout de suite peut déraper finalement dans les maximes de moraliste. Et en même temps, son extraordinaire puissance de perception et de même de sympathie, et ça, à mon avis, c'est son côté moderne, de sympathie pour tout ce qui finalement dérape et sort de ce cadre. C'est-à-dire qu'en fait, vous le verrez avec les portraits, évidemment, c'est-à-dire que tout ce qui sont les vices, les manies, l'éthique, les originalités, les accès de folie de ses contemporains, en fait, trouve chez lui un accueil, je dirais pas favorable, mais positif dans la mesure où il va les décrire et on sent qu'il s'en amuse et on sent que là comme Pascal qu'il encore, a une forme d'indulgence voilà. Il décrit le juge mal rasé qui montre l'effet voilà. que ça a sur il décrit des abbés qui se travestissent et il porte pas de jugement moral et là ouais. tout d'un coup ce grand vertueux Saint-Simon ne porte pas de jugement moral, décrit simplement des singularités humaines et c'est cette tension entre voilà la vertu et les vices, l'originalité et la norme, le côté très un peu gardé, cérémonieux, maniaque de l'étiquette, et en même temps tous ces dérapages qui donnent lieu aux plus belles pages finalement, hein, parce que c'est quand ça dérape, c'est beaucoup plus beau que quand c'est que quand on raconte des cérémonies ou comment on doit faire des révérences ou porter un tabouret, une duchesse, etc. Mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a une anthropologie saint-simonienne, ou est-ce que cette vacuité, cette vanité de l'existence, est uniquement la marque de son rapport à Dieu, de sa religion? Je crois que c'est quand même assez partagé à l'époque. Je pense que c'est une vision chez tous ces êtres. Alors évidemment, les gens sont plus ou moins dévots, plus ou moins marqués par la vie religieuse. Mais disons que c'est quand même une vision d'époque. Hein. Si on en trouve l'écho chez Bossuet, c'est pas pour rien. Ce pessimisme, donc, pessimisme de mode ou c'est une conviction personnelle? Alors là, il faudrait rentrer un peu dans des détails de ce qu'est au sens religieux Saint-Simon. C'est-à-dire qu'en fait, il a eu cette référence de la trappe, de l'abbé de la trappe de Rancet. Il a une sympathie pour les jansénistes, en fait. Alors, il dit, je n'ai jamais été janséniste, évidemment, puisque Rancet condamnait le jansénisme. Lui a condamné la révocation de l'édit de Nantes, mais il avait une sympathie pour les jansénistes, et il était plutôt gallican. Et donc, il a une spiritualité qui est quand même assez tourmentée, parce que cette sympathie pour les jansénistes ne doit pas trop transpirer. Mais il est marqué, sans doute, je pense, par le pessimisme des jansénistes. Et qu'est-ce qui fait que vous, Cécile Guilbert, vous avez décidé de relire ses mémoires de Saint-Simon, d'écrire un livre, même si c'était il y a quelques années? Pourquoi est-ce que aujourd'hui Saint-Simon peut encore avoir un intérêt pour nous, indépendamment du travail de mémorialiste, de la documentation sur la vie de cour à l'époque? Puisque vous me posez une question personnelle, moi je dis que Saint-Simon a changé ma vie dans la mesure où quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait comme tous les jeunes écrivains en herbe, c'est-à-dire que je voulais écrire un roman, puisqu'il paraît qu'on rentre en littérature avec un roman. Et j'avais un personnage, j'ai déjà raconté cette anecdote plusieurs fois, qui était un spécialiste de Saint-Simon. Et en fait, mon roman m'intéressait pas du tout, je me passionnais beaucoup plus pour Saint-Simon. Donc j'ai laissé tomber ce roman, je me suis plongé dans Saint-Simon et j'ai décidé d'écrire cet essai sur Saint-Simon, qui pour moi était comme si je rendais une dette à finalement... ce que je pensais être le plus grand style français. C'est celui qui m'enthousiasme, cette vision, cette passion, cette frénésie de Saint-Simon, cette électricité qu'il peut avoir, et en même temps son pessimisme. Je me sentais très proche de lui. Je me souviens quand j'avais écrit ce livre, je l'avais envoyé à ma prof de lettres que j'avais pas vue depuis 15 ans, et elle m'a dit, mais c'est tout vous. pas que je sois Saint-Simon, mais c'est tout vous. On sent des choses, voilà, dans ce petit duc qui me rappelle un peu ce que vous étiez quand vous étiez plus jeune. Et donc, on peut rentrer aussi en littérature en écrivant un essai. Et qu'en fait, je trouve que ce qui était intéressant, c'est aussi quand on écrit, si vous voulez, on est obligé, puisque Saint-Simon, on est obligé de le citer constamment, on est obligé de porter sa plume à un certain niveau, parce que sinon tout s'effondre. Donc ça pousse, quoi. C'est galvanisant. C'est pour ça que je dis que Saint-Simon a changé ma vie. Et à chaque fois, je ne le lis pas pendant très longtemps. Et à chaque fois que je reprends un volume de lui, j'ai l'impression de vraiment comme un drogué repique au produit, quoi. C'est-à-dire, je trouve ça toujours extraordinaire. Je n'en suis absolument pas blasé. Si je devais partir dans une île déserte, j'en porterais pas les mémoires de Saint-Simon, mais j'en porterais certainement un volume. Ah ouais. Un volume d'une belle année, 1709 ou 1710. Voilà, il y a des années qui sont plus ou moins belles dans les mémoires. Mais donc c'est d'abord le style qui vous plaît tant. Oui, c'est le style mais si vous voulez le style, on peut pas séparer le fond de la forme, hein, en fait. Tout votre livre porte là-dessus. Vous dites, mais pourquoi est-ce que dans la postérité, finalement, tous les lecteurs de Saint-Simon ont dit c'est un grand styliste, alors vraiment un esprit mesquin. Et vous dites non, en fait, on peut pas dire que si on a un grand styliste, on n'est pas mesquin, quoi. Non, on peut pas être. Non, mais c'est pas parce qu'il est un grand styliste qu'il est pas mesquin. C'est parce que en fait, la prodigalité qu'il répond, est une forme aussi de charité. Et cette passion de la vérité, et finalement cette dénonciation de toute société comme fabrique du mal, en fait. C'est ça aussi qui m'a frappé, parce que dans mon livre, je fais énormément de rapprochements entre Proust et Céline. Oui. Alors Céline et Proust, les deux grands styles du XXe siècle. Ce n'est pas un hasard si les deux grands styles du XXe siècle ont reconnu Saint-Simon comme étant, d'une certaine façon, un des très grands styles, comme Rembrandt l'est en peinture, si vous voulez, c'est-à-dire... Céline disait, c'est la couleur absolue. Et pourtant, il était avare de compliments, Céline. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui se trouvaient grâce à ses yeux. Et Proust, et c'est complètement imbibé de Saint-Simon, puisqu'en fait, il dit que la lecture des mémoires est avec les mille et une nuits, les deux sources qui irriguent, qui irriguent la recherche du temps perdu. Il y a près de 30 mentions des mémoires de Saint-Simon dans la recherche du temps perdu. Voilà, il a essayé de rendre l'esprit Mortemar dont parle Saint-Simon par l'esprit des Guermantes. Il a été fasciné par les noms. Il y a aussi le snobisme. Il y a la façon dont le kaléidoscope social, comme dit Proust, change. Et Saint-Simon aussi, le témoin d'un kaléidoscope social qui bouge, hein, à travers les années. Mais il y a surtout cette dénonciation de l'hypocrisie sociale et que la seule façon de s'en sauver et de sauver son âme, c'est finalement de l'écrire. Mais c'est un bon conseil à nos auditeurs. Merci beaucoup Cécile Guilbert. Moi, je leur conseille de lire non seulement les mémoires de Saint-Simon, on peut lire par exemple tout Saint-Simon sous la direction de Marie-Paul de Verte-Pilarge avec Marc Hersan et François Ravier qu'on recevra cette semaine chez Robert Laffont. Et votre livre s'appelle Saint-Simon ou l'encre de la subversion. On le trouve aux éditions Gallimard. Puisque vous avez beaucoup parlé des bâtards et l'importance des bâtards chez Louis XIV, on va se quitter avec une chanson de Yann Dury, justement, qui porte sur le sujet. Noel Coward was a charmer. A writer, he was Brahma. Velvet jackets and pyjamas. The gay divorce and other dramas. There have been some clever bastards. Lucky beaters, lucky beaters. There have been some clever bastards. Van Gogh did some eyeball pleasers. He must have been a pencil squeezer. He didn't do the Mona Lisa. That was an Italian geezer. There and I've been some clever bastards. Lucky bleeders. There and I've been some clever bastards. Einstein can't be classed as witless. He claimed atoms were the littlest. When you did a bit of splittingness. Shitless. And I've been some clever bastards. Probably got help from their mom. Who had help from my mom. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui, la Révolution française est-elle encore un événement historique? Alors si on avait demandé à un historien il y a encore 50 ans quel était le plus grand événement de l'histoire, il aurait sans doute répondu la Révolution française. C'était le sentiment déjà de ses contemporains. Les révolutionnaires, en inventant un nouveau calendrier, avaient conscience d'œuvrer dans une dimension messianique et mettaient au même niveau la fête de l'être suprême et la passion du Christ. Révolution contre révolution, la Révolution française parvint seule à perturber la balade quotidienne de Kant sur laquelle les habitants de Königsberg réglaient leur montre. J'en profite aussi pour avouer que dans un tout autre genre de dérèglement, je dois à la Révolution française une part de mon initiation sexuelle grâce à ce double vinyle de l'opéra rock qui lui avait été consacré et que je trouvais un jour dans une vieille armoire. Alors citoyenne, on entre sans frapper? Tu veux voir le citoyen Marat tout nu dans son bain? Comment t'appelles-tu? Charlotte. Mais tu as de beaux yeux, citoyenne. Approche un peu ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, mais dis donc, tu as de beaux seins. C'est vrai, tu les aimes? On devait alors être l'année du bicentenaire, j'avais à peine 9 ans. 4 mois plus tard, une nuit de novembre, à Berlin, la révolution de russe de 1917, sa seule rivale aurait cessé de vivre et la révolution française retrouverait son statut d'événement unique, glorieux, indépassable. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit en fait. La révolution française a au contraire presque disparu. L'historiographie l'a rangée rapidement au rang d'événements annexes, ou tout juste assez sanguinaire pour qu'on s'en souvienne un peu, à titre préventif. Le principal événement de l'histoire de l'humanité, la destitution des rois et l'avènement des peuples, le triomphe de la liberté et de la raison dans l'histoire est devenu, d'un seul coup, un complot médiocre et même un sale coup porté à la modernisation inéluctable de la France, une modernisation par lui considérablement entravée. Vous voulez dire que la Révolution française serait apparue comme un événement réactionnaire? Autrement dit, oui, voire comme un non-événement. Et le modèle, le grand modèle de ces années de triomphe politique du libéralisme, c'est plutôt la Révolution anglaise, voire la Révolution industrielle tout court. Non seulement la gauche la plus moderne, la plus sociétale est au pouvoir en France, mais elle fait, en plus, à peu de choses près, une politique de droite économiquement parlant. En tout cas, elle ne croit plus à la lutte des classes et s'est lassée à force de faire des nationalisations. La Révolution française, c'est peut-être le sens caché des commémorations un peu kitsch du bicentenaire, doit désormais nous faire un peu honte. Faire une révolution, c'est du dernier mauvais goût, c'est une perte de temps et ça ne sert de toute façon jamais les intérêts de la bonne classe. On assiste alors à une convergence étonnante entre les analyses de Marx sur le caractère bourgeois de cette révolution et celle des libéraux, pas loin de la sauver quand même, mais à ce titre. Justement, le livre programme du futur président Macron, pur enfant du bicentenaire, pourra ainsi s'appeler « Révolution ». Vous avez renversé l'ancien régime, pas mal, mais moi, j'ai fait les bus Macron et aboli le dernier des privilèges de la SNCF. Et ouais. Donc la Révolution française, en fait, ne fait plus peur à personne, c'est ce que vous dites? Bah, la guillotine n'intéresse en tout cas plus trop nos historiens. Machine pour machine, donnez-leur plutôt un régulateur de watts ou un moteur diesel. Là, ils sauront retrouver le sens perdu du mot événement et rêver à haute voix des grandes heures de l'Anthropocène. Mais vous pensez vraiment qu'il n'y a plus personne pour considérer la Révolution française comme un événement historique? Bah si, sans doute, les Gilets jaunes, quand ils pénètrent dans l'Arc de Triomphe. Mais encore, parce que l'historiographie retient déjà, comme déclencheur de cette ultime révolte populaire, le souci du prix des carburants plutôt que celui de la liberté, comme on a pu faire du prix des farines, le déclencheur de la révolution, cet insignifiant soufflet historique. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un très grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui a préparé cette émission dans des conditions records. C'était Manon de la Selle aujourd'hui avec Avril Poignant-Legoff, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger et Esther Valensic à la réalisation, Delphine Baudet à la prise de son, Daniel Mesguich à la lecture des textes de Saint-Simon. On se retrouve demain pour la suite de cette série. D'ailleurs, on sera en compagnie de François Raviez qui vous parlera de l'art du portrait et du détail qui tue. Vous verrez, c'est passionnant. D'ici là, pour réécouter cette première émission sur Saint-Simon ainsi que les précédentes diffusées depuis des mois, des années, tout est en ligne, vous savez. Et bien justement, vous allez en ligne sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie ou bien vous pouvez vous abonner au podcast afin de télécharger chaque jour, chaque émission pour les écouter où vous voulez et quand vous voulez, beaucoup plus tard même. C'est possible. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, où l'équipe des Chemins de la Philosophie est ravie de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.